booste partie, c'est la partie du toit qui donne sur le Rhône. C'est vachement 60s comme architecture. Radio Canu. C'est très béton suisse. Reportage. On est en fait vraiment à l'extrémité de la ville. On est sur les bords du Rhône. On est entouré par les grandes tours. D'un côté, le Lignon, et de l'autre côté, il y a Aunay. Mais entre nous et eux, il y a vachement de forêts et de végétation et d'eau du Rhône. On voit le Salève depuis le toit. C'est totalement de l'autre côté de Genève, en fait. Il y a tout Genève entre nous et le Salève. C'est assez cool. Alors, on est à Porteus, dans la commune de Vernier, qui est une commune du canton de Genève, qui a un bâtiment assez gigantesque et incroyable, qui a été construit par un architecte qui s'appelle Georges Bréra, qui est un architecte genevois, et qui est un bâtiment reconnu pour ses caractéristiques architecturales particulièrement chouettes, modernistes, brutalistes, voilà, qui est vide depuis 20 ans, et qui a été ces dernières années le lieu d'un grand intérêt de la part de divers acteurs et actrices genevoises, notamment les acteurs culturels. En fait, il y a quelques mois, je crois au mois de mai, la nouvelle est tombée que Pierre Maudet, qui est un conseiller d'État du parti libéral, a décidé d'y construire une prison, enfin de transformer cet endroit en prison. Depuis plusieurs mois, il y a ce projet qui a été mis en avant de faire une prison sur le bâtiment où on est actuellement. Et on avait réfléchi déjà plusieurs fois à faire une action sur ce lieu, à le mettre en évidence, à relancer un peu cette cause anticarcérale. Et puis, un peu assez au dernier moment, on s'est tout d'un coup dit « Mais en fait, ce bâtiment, il est juste trop bien. » Et on a envie et la motivation et la force de vouloir créer quelque chose là-bas. Bah, du coup, l'occupation de ce lieu, elle a été organisée pendant la traditionnelle course de radeaux intersquat qui se passe chaque été à Genève. Donc, il y a une descente du Rhône avec plein de radeaux qui sont les plus beaux les uns que les autres, construits par les gens. Avec des bidons et des poutres volés sur des chantiers ou récupérés dans des entreprises. Les gens avaient envie d'une fin un peu plus spécifique, je pense, et de profiter de l'occasion de cet événement qu'on peut qualifier de festif, mais toujours inscrit dans une histoire, voilà, de squat à Genève et d'occupation pour venir ici et occuper ce bâtiment. Le bâtiment est vraiment situé au bord du Rhône et il y a une partie du bâtiment qui dépasse carrément sur la rivière. Et donc les radeaux ont descendu le fil de l'eau et un radeau pensé pour l'occasion a permis d'entrer dans le bâtiment. C'était une plateforme construite pour ça en fait. Les médias ont parlé de piraterie. Quoi. Ils ont parlé de cheval de Troie parce qu'en fait ce radeau en fait depuis le départ qui était au centre-ville de Genève, on le voyait juste être comme une belle construction en hauteur. Il se trouvait que nous, on avait un plan bien précis derrière. Avec ce radeau-là, il devait servir à atteindre le bâtiment de Porteus, qui est barricadé de partout, et dont le point faible était des fenêtres qui étaient en hauteur. Très rapidement, il y a une équipe en radeau qui est venue en fait, prendre à l'abordage, au sens littéral du terme, en fait, le bâtiment Porteus. Quoi. Et du coup, ben, voilà, là, ça fait 2 semaines aujourd'hui qu'on est là. Et c'est trop bien. Donc là on est juste au-dessus du Rhône, on est sur cette passerelle qui fait le tour du bâtiment. Enfin, on a une super vue. On se réveille là tous les matins pour l'instant, c'est assez chouette. Le radeau qui est accosté, c'est juste en dessous. Celui où on joue du piano actuellement. Ce bâtiment qui fait partie d'une grande zone des services industriels du canton de Genève. Et il a été conçu à l'origine pour traiter les boues toxiques à l'intérieur du Rhône, pour après les réacheminer vers l'usine de traitement des déchets. Il a eu cette fonction que pendant une quinzaine d'années avant d'être fermé et d'être laissé à l'abandon. Du coup, prenons la ville, c'est le mouvement qui nous prend probablement le plus de temps depuis un an et demi. Moi, quand je fais sa généalogie, et c'est peut-être parce que je suis habitant de la maison de Malagnou, je parle d'abord de la maison de Malagnou, donc qui est une maison qui a été occupée en 2012. Et du coup, une occupation réussie, si on veut, pour le coup, à ce moment-là, vu qu'elle a tenu. La réussite, ça a été de signer un contrat de bail avec l'État de Genève, donc avec le canton. Ce qui est du coup une demi-victoire, si on veut. Mais qui a été un centre pour beaucoup de gens de rencontres et de reconstitution de, je pense, une certaine camaraderie. Et puis cette maison est menacée actuellement d'expulsion, donc le bail n'a pas été reconduit par l'État de Genève. En 2016, du coup, cette deuxième annonce a provoqué une volonté stratégique d'ouvrir la question de l'expulsion de cette maison plus largement. Les gens sur place se sont dit qu'ils voulaient pas centrer la question sur leur situation, mais plutôt sur un truc global de manque d'espace, autant de vie que d'activité à Genève. Du coup, cette décision d'ouvrir, c'était la décision d'aller chercher des gens, c'était d'aller chercher des gens dans le milieu, qu'on peut qualifier d'autonome ou anarchiste, mais aussi d'aller chercher des personnes plus loin. Donc, il y avait des liens qui ont été tissés depuis très longtemps avec les associations de quartier, et aussi avec des partis politiques, un peu les acteurs institutionnels de la culture, etc. Je pense qu'il y a un ras-le-bol général de la gauche genevoise de sentir que notre ville, qui a été un bastion des squats pendant longtemps, est en train de complètement se faire ravaler par le milieu financier, que tout le centre-ville soit bouffé par des banques qui restent vides après en plus parce qu'elles sont pas utilisées. Je pense que ça a permis que d'un côté les militants plus radicaux serrent un peu leur poing dans leur poche par moment pour arriver à discuter avec des politiciens, et pareil de l'autre côté que des politiciens se sont un peu, je pense, forcés à se mouiller dans le soutien d'occupation pour qu'on puisse avancer et faire un peu changer les choses. Tu sautes de la passerelle ? Ouais, je saute de la passerelle. Tu peux me tenir la main, s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Voilà, hop, allez, on y va. Hop. Il n'y a pas des conflits politiques en Suisse sont réprimés préventivement, c'est-à-dire avant même qu'ils aient pu s'exprimer. L'idée en fait qu'on s'est dit en fait, assez rapidement avec Prenons la ville, c'est qu'il fallait, pour pouvoir faire une manifestation qui rassemble largement, il fallait qu'on convoque un comité unitaire avec les acteurs culturels qui avaient envie aussi de sortir de leur ghetto, des partis politiques, enfin des personnalités souvent de certains partis politiques qui se retrouvaient aussi mal à l'aise avec les excès du parlementarisme, les syndicats aussi qui ont toujours certaines personnalités avec des velléités plus mouvementistes. Il y a eu la première manifestation il y a un an, le 1er juillet, il y avait 2000 personnes je crois à la manif, c'est un peu ouf comme ça. Puis il y a eu une autre manif, et puis encore une autre. La plus grosse, ça rassemblait 3000 personnes. C'était complètement fou pour le contexte politique genevois, je crois. Et là aussi, où c'était le plus intéressant, c'est que en fait, c'était plus les partis politiques qui tenaient le haut du pavé. Eux, en fait, ils étaient derrière. Et, en fait, et la tête de la manifestation était formée par les camarades avec des banderoles forcées, des mots d'ordre assez radicaux sur la reprise de la ville. Puis voilà, il y a eu 2-3 actions, genre l'occupation d'un ancien H&M vide en centre-ville. Pour le nouvel an, où il y a eu genre, je sais pas, 140 arrestations, un truc comme ça. Tout ça, ça a contribué à créer une forme d'imaginaire de lutte qu'on a essayé de coupler avec des actions de réappropriation dans la ville, notamment l'occupation d'une banque désaffectée, elle aussi, en mars dernier. On n'est pas arrivé à tenir en fait, à l'arrivée de la police, mais on s'est dit que c'était une bonne étape et que la prochaine, ça devait être de prendre un lieu qui appartienne cette fois-ci à l'État. Avec un lieu qui appartient à l'État, on se trouve directement face à l'adversaire qui a le rôle principal en fait, dans l'aménagement actuel de nos vies et de la ville. Là, on ne se retrouve plus dans une dimension purement défensive, ouais, où on doit défendre notre petit îlot, une réserve d'Indiens, comme peut-être la maison de Malagnou, mais où là, ouais, on est à l'offensive, ouais, on prend un lieu, et maintenant, ouais, c'est à eux de devoir réagir, en fait, mais on essaie de tenir le couteau par le manche. Quoi. Alors ici, c'est les premières salles du coup, qu'on a occupées. Donc là, c'est un peu l'espace de vie. Donc en fait, toute cette partie du bâtiment, elle est au-dessus de l'eau, quoi. Ouais, c'est un bâtiment qui est autoporté, comme nous a dit l'architecte. Ça veut dire qu'il est posé sur la berge et toute la partie qui dépasse sur le Rhône tient toute seule grâce au poids du bâtiment qui est posé du coup sur les bords. Globalement, la réception médiatique et la réception locale en termes politiques a été assez bonne. Il y a un soutien large des institutions de gauche, du PS, des Verts, des acteurs actrices culturelles qui soutiennent vraiment l'occupation de la ville de Genève. Et ça, c'est grâce à des liens qu'on a tissés cette année à travers une année de lutte, à travers les actions menées et les manifestations organisées par le mouvement Prenons la ville. Donc ça tombe bien de nulle part, en fait. Moi, c'est la première fois que je fais une occupation où on reçoit le soutien du maire de Vernier et même aussi être un soutien au sein de la ville de Genève elle-même, donc au niveau communal, du soutien bien au-delà en fait, des cercles habituels des camarades. C'est vraiment immense. C'est pour ça qu'on a commencé petit avec le bar en bas et puis le studio qu'on est en train de nettoyer. On va arriver au-dessus de la partie que je t'ai fait visiter avant, en fait. Par ici, on peut voir, du coup, comme je te disais, le haut de la salle qui était tout au fond tout à l'heure. La salle des cuves, là. Ouais, avec les trois cuves. Donc là, il y a une petite fenêtre qui donne sur le toit. On est au-dessus, du coup, de tout ce truc. Ça donne aussi une autre impression de l'endroit. C'est une salle qui fait bien 20 mètres de haut de plafond, quoi. Ouais, je pense, ouais. Donc là, je te montre la partie du toit la plus intéressante, où il y a encore vachement de place. On pourrait facilement refaire une dizaine de salles sans trop s'embêter, en couvrant ces allées, là. Il y a quelques idées, peut-être, de petites constructions sur le toit, ou de choses un peu funky. Tout ce qui est un peu artistique, il y a la place, je pense, de le faire ici, puis aussi... Un peu des ateliers autogérés, ateliers bois, métal, des choses un peu pour travailler et faire des choses un peu soi-même. Je pense que c'est vachement intéressant, ça peut dépanner beaucoup de gens en fait. C'est des choses qui sont importantes aussi, tout autant que la fête, voire plus. Là, on met en place plein d'événements sur le court terme. Bah, aujourd'hui, il y a l'inauguration du bar Chicken Schlag et le four à pizza fabriqué par les copains. On a mis en place des projections de films, des concerts, des discussions, il y a un infokiosque, un café, des repas ouverts au public midi et soir. On est en train de mettre en place des appels à chantier pour refaire l'isolation du bâtiment. Et après, on essaye aussi juste de profiter, nous, de ce lieu pendant qu'il fait encore beau et chaud, et de se baigner. Voilà, d'aménager un peu l'extérieur pour que les gens qui passent se sentent à l'aise de venir boire un café avec nous, de convier des enfants. On leur a fait faire une fresque murale. À partir de mercredi, il y a des cours de boxe pour enfants et ados tout l'après-midi. On a un peu contacté des copains qui ont une salle de grimpe pour qu'ils viennent poser un mur de grimpe assez prochainement sur le bâtiment. On a contacté des architectes pour discuter avec eux de quel boulot il y aurait à faire principalement sur ce bâtiment pour le remettre en état, ce qui est important de faire maintenant ou le plus tôt possible. Tout l'enjeu maintenant, ça va être de le garder sans rentrer non plus dans les casques où l'État voudrait nous mettre, parce qu'il y a toute une histoire aussi en étant suisse de lieux qui ont été occupés dans les années 80 et qui ont après dû subir une forme de normalisation en fait, où l'État avait imposé un fonctionnement qui nécessitait après en fait, des dizaines de salariés, des soirées du coup, où tous les prix augmentent, et où petit à petit les lieux, avec une volonté subversive initiale, se retrouvent à devenir des sortes de boîtes de nuit, quoi. Il y a beaucoup de luttes qui ont été institutionnalisées et pacifiées de cette manière. Globalement, la plupart des personnes qui sont là, en fait, elles n'ont jamais vraiment eu la chance de connaître la Genève des squats du temps. Il y en avait plus de 150 au centre-ville. On est trop jeunes, en fait, pour ça. Et l'éclatement en fait, des squats à Genève a conduit un peu en fait, chacun à repartir de son côté. Et ça, avec une des conséquences, ça a été du coup que les artistes en fait, ont à peu près abandonné toute modalité d'organisation collective en fait, pour obtenir des lieux. L'idée en fait, avec Prenons la ville, ça a été aussi du coup, de aller voir en fait, les collectifs d'artistes pour leur dire qu'il y avait d'autres manières en fait, de faire, que c'était aussi possible de gagner des lieux par la lutte. Et que c'était mieux. et que ça avait plus, et que ça avait plus de sens. En fait, mais... Ouais, il y a tous les baigneurs en fait qui se baignent à Genève. Il y a la plupart qui font la descente du Rhône après en bateau. Du coup, qui passent devant Porteus. Et donc ça aussi, ça nous fait vachement de visibilité. C'est assez cool parce que ça donne de super échanges en fait. Puis là, en plus aujourd'hui, c'est la fête. Du coup, les gens s'arrêtent d'autant plus. Donc c'est vraiment cool. C'est génial. Radio Canu 102.2.